disponible. Va sur Ford.fr, mec. Le mois Carrefour. Oh là là, il y a encore un nouveau deal du jour renversant pendant le mois Carrefour. Ouais, aujourd'hui, l'ordinateur portable 11,6 pouces Thomson et son disque dur externe de 500 gigas sont à 199€ au lieu de 299. Attention au décollage. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui en magasin et sur carrefour.fr, l'ordinateur portable 11,6 pouces Thomson et son disque dur externe de 500 gigas sont à 199€ au lieu de 299. Référence THBK de 12, garantie 2 ans. Carrefour. RTL présente The Illusionist, la nouvelle génération de magiciens. Pour la première fois en France, retrouvez les 7 plus grands magiciens du monde. The Illusionist, à Paris aux Folies Bergères, à partir du 17 novembre. Soyez témoins de l'impossible. Location ouverte, un événement TF1, Le Parisien et RTL. En ce moment, avec les affaires Bricoman, le poêle à granulés noir de 7,4 kW, programmable, avec gestion automatique de la température, est à seulement 849 euros. Offre limitée à 135 poêles à partir du 9 septembre 2016. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe. Gagnez du temps grâce à la livraison directement sur votre chantier. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé? Chez Lidl? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,99€. Moins de 2€ le filet de 2,5 kg? Oui, et origine France patron, hein. Ça fait 80 centimes le kilo de pommes de terre. On va encore. Paumé, oui ça va, j'ai compris, je suis mal. On est mal patron, on. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55, variété Annabelle ou Marilyn selon magasin, origine France. Électro, dépôt. Quand c'est pas cher, on entend. À ce prix-là, c'est louche. Chez Electrodépôt, c'est plutôt. Alors là, j'achète. Chez Electrodépôt, nous négocions des stocks énormes pour vous proposer des prix bas tous les jours. Electrodépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Electrodépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Affligem, cuvée Florem. D'abord, contemplez sa robe lumineuse au reflet cuivré. Puis, appréciez le délicat parfum du bouquet floral d'Affligem. Enfin, savourez la finesse de ses arômes de fleurs de sureau subtilement épicés. C'est l'instant où se révèle la délicate harmonie d'Affligem, cuvée Florem. Affligem, et si la bière se dégustait? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. La question est simple. À quel conte célèbre fait référence le titre du dernier roman de Salman Rushdie que je répète, 2 ans, 8 mois et 28 nuits? Eh bien, ça fait 1001 nuits. Voilà, les contes voilà. De Scheherazade. C'est parfait. Vous l'avez gagné en nous appelant au 3210. Merci à toute l'équipe. Des exclusivités, de la curiosité. On vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve, bien entendu, dès lundi avec toute Michael l'équipe de Laissez-vous Tenter. Michael Douglas sera notre himself. Invité principal. Himself, absolument. Vous avez entendu un petit extrait tout à l'heure de cet entretien. Et maintenant, on va retrouver Julien Courbet. Michael Douglas, lundi. Yes. La vache. Bah, oui. Est-ce que je dois lui laisser ma place de parking? Non, absolument pas. Non, mais peut-être si c'est pour Michael Douglas, je veux bien tourner dans le quartier. Il aimerait bien prendre un petit thé Earl Grey avec Maître Fellono. Je ne sais plus, il vient avec Catherine ou pas? Oui, non. Pas du tout. Catherine a fait son jogging avec moi pendant que lui. Moi, j'aurais pu discuter avec Catherine chez Savy pendant que vous l'interviewez. Non, mais elle ne sera pas là, apparemment, Catherine. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Faites merci, bravo. Une belle émission, vous écoute. C'est parti, ça, c'est pas gagné, mais on va essayer en tout cas. Merci beaucoup. C'est du direct, c'est RTL, c'est la première radio de France et c'est l'émission qui règle vos problèmes. On le fait avec le sourire, mais on est diablement efficace. Car nous, ici, pas de blabla, uniquement de l'efficacité. Un problème, une solution, on ne va pas en débattre pendant 2 heures. Alors, tout de suite, un exemple, car je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Olivier est là, Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour, Julien. Ouais, bonjour, Olivier. Voici le message que vous nous avez laissé sur RTL. Une compagnie d'avion annule le vol retour et elle nous prévient par texto la veille. Depuis, elle trouve toutes les excuses du monde pour ne pas rembourser le vol de l'autre compagnie et cela dure depuis juin. Et aujourd'hui, la Dream Team est là pour régler tous vos problèmes. Il y a Sylvie Noakovic, avocat spécialisée dans le divorce, la meilleure en France. Elle est avec nous, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. La Divina, Maître Fellono. Bonjour Julien, bonjour à tous. Hervé Pouchol, Bernard Sabat et leurs alertes. Bonjour Julien. Que la fête démarre. Vous écoutez le 9h30, 11h de RTL. Olivier, 18 juin dernier, vous prenez un vol au départ de Toulouse et à destination de Nantes via une compagnie low cost et le retour était prévu le lendemain. Et dans la nuit, vous recevez un texto. Que dit ce texto, Olivier ? Bah, que le vol, en fait, était annulé. Après, on n'avait pas la raison. Que le vol est annulé, mais est-ce qu'il y a tout de suite dans le petit texto une solution de remplacement? Maître Fellono me tend, avec cette jolie main, le texto qui dit tel quel, je le lis. Nous, à 23h06, vous le recevez, nous regrettons de vous informer qu'en raison des problèmes opérationnels, votre vol a été annulé. Veuillez visiter le site afin de transférer votre vol ou effectuer un remboursement. Nous nous excusons pour les perturbations et les désagréments causés. Vous imaginez, vous recevez ça à 23h06 pour un voyage qui a lieu le lendemain. C'est scandaleux. C'est juste incroyable. Alors, qu'est-ce que vous faites derrière? Expliquez-moi. En fait, moi, j'ai appelé le dimanche matin, j'ai eu quelqu'un, et j'ai demandé si c'était possible de prendre un vol dans une autre compagnie et de se faire rembourser. La dame m'a dit oui. J'ai dit, bon, dans ces cas-là, moi, je veux bien une trace écrite par mail. Et là, elle m'a dit, ça, par contre, on ne sait pas faire. Moi, je peux vous dire oralement que c'est possible, mais je ne pourrais pas vous faire une trace écrite comme quand on vous remboursera le vol sur une autre compagnie. Ah. Alors, Olivier, allez-y, excusez-moi, je croyais que vous aviez difficile. Du coup, fallait quand même que je rentre à Toulouse parce que je bossais le lundi. Et du coup, on a pris le vol dans une autre compagnie. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, si vous nous appelez, c'est parce que vous voulez le remboursement de la différence entre le nouveau billet et l'ancien. Juste une petite parenthèse, Bernard Sabat. Là, il paie directement la compagnie. Il n'y a pas de notion d'agence de voyage et de forfait. Non, exactement. On est vraiment dans l'acte commercial entre la compagnie et le voyageur. D'accord. Alors Charlotte a décidé de téléphoner. Charlotte, vous vous êtes fait passer plus ou moins pour une cliente pour essayer de savoir, un peu stressée, hein, et vous leur avez demandé ce qui se passait pour justement savoir s'il l'a fermé. Parce que là, notre auditeur nous dit, ils m'ont dit que je serais remboursé, même s'ils ne me l'ont pas écrit. On aime bien vérifier. Oui, j'ai fait en fait comme Olivier a fait, comme il n'avait pas de trace écrite, j'ai appelé pour voir ce qu'il allait me dire. Vous allez entendre qu'effectivement, la compagnie confirme qu'il peut être bien remboursé. On a un vol aujourd'hui qui a été annulé. On n'a pas un autre vol dans les 24 heures à vous proposer. Vous avez la possibilité de prendre un autre vol avec une compagnie aérienne ou un train ou autre. Et par la suite, il faut nous envoyer la facture. Vous serez remboursé du vol EasyJet qui a été annulé et de la différence de l'autre moyen de transport. Imaginons que ça arrive. En combien de temps je serai remboursé de la différence? On va dire un délai maximum 2 semaines. Donc on a bien la confirmation. En revanche, le délai, il n'est pas du tout respecté puisque ça fait 2 mois et demi qu'Olivier attend. Ah, c'est important là ce qu'elle a fait, Charlotte Maître Fellono, parce que là, c'est clair, on vous dit prenez un autre vol et on vous remboursera la différence. Oui, alors moi, ce qui m'exaspère, c'est que on n'a même pas la possibilité, souvent, quand on a un contradicteur de cette nature-là, d'envoyer un mail pour confirmer une conversation écrite. On n'a pas d'interlocuteur, on ne connaît même pas son nom. Donc effectivement, le seul moyen de vous en sortir, c'est d'essayer de lui dire, répétez madame, s'il vous plaît, et d'enregistrer. C'est quand même ce ne sont pas des façons de faire. On va lancer les appels dans le 9h30-11h, mais Maître Novakovic, maintenant, voudrait apporter sa pierre à l'édifice. Absolument, parce que je pense vraiment que le juge serait extrêmement content d'avoir ce genre de dossier pour sanctionner l'attitude de cette compagnie, sachant que la seule chose qu'il pourrait évoquer, ce serait la cas de force majeure. Or, pour évoquer le cas de force majeure, il faudrait un événement extérieur, imprévisible, irrésistible. Or là, c'est absolument pas le cas, et dans ces conditions, il pourra même demander des dommages et intérêts en vertu de l'article 1147 du Code civil. Redonnez les 3 adjectifs. Irrésistible, imprévisible et également extérieur. Ah, c'est ce que me disent les femmes. C'est marrant ça. Hein, j'avais l'impression qu'on parlait. Alors Bernard, surtout extérieur pour on y va, on appelle. Non, mais moi je suis pas content. J'ai quand même un coup de gueule à pousser. Je suis désolé, mais là je ne supporte pas ça. Alors on y va, c'est parti. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Julien, c'est une prise d'otage commerciale. Puisque donc, quand vous achetez un billet aller-retour, vous avez un tarif préférentiel. Là, quand vous achetez un retour simple, c'est 900 €. Donc vous imaginez, la différence, il y a pour 800 € d'écart, et vous devez avancer l'argent, et en plus, vous n'êtes pas remboursé. C'est inacceptable. Nous allons les appeler dans une seconde pour avoir une explication, pour avoir le remboursement. Tout à l'heure, vers 10h20, un cas fantastique, ne le manquez pas, hein, aux alentours 10h20, 10h25, ça sera le cas de Romain. Il est excédé, car il nous dit qu'une société... Faites écouter d'ailleurs le coup de gueule de Romain, parce que je veux que vous écoutiez vraiment ce cas à 10h20. Je voudrais pousser un coup de gueule. On est en plein abus de faiblesse caractérisé. Une entreprise a déjà soutiré 14 000 € à ma grand-mère, il y a 2 ans, pour des travaux injustifiés. Voilà qu'elle veut maintenant lui reprendre 4 000 € sous la forme d'un crédit. Oh, ça va s'arrêter quand ? Allez, c'est parti. 32-10, abus de faiblesse. Hein. 32-10, problème de voyage catastrophe. 32-10, tout ce que vous voulez, victime d'une arnaque ou alors d'une aberration administrative. Le standard est ouvert. Vous pouvez passer sur l'antenne à n'importe quel moment ou le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et dans une seconde, ladies and gentlemen, nous allons appeler la compagnie aérienne. Et nous allons essayer d'obtenir le remboursement. On peut pas dire des choses au téléphone et pas les tenir après. C'est ça, RTL. En vous souhaitant le plus beau des week-ends. À tout de suite pour l'appel. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un poulet fermier Label Rouge Origine France, le deuxième est offert. Oui, le deuxième poulet fermier Label Rouge Origine France est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Au rayon volaille traditionnel, la gratuité s'applique sur le moins cher des deux. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous rêvez de faire construire votre maison? Alors, ne ratez pas le salon Faire construire sa maison, les 9, 10 et 11 septembre à Paris, porte de Versailles. Petit message Peugeot en forme d'hésitation. Voiture électrique ou vélo électrique? Off. L'Electric Box, c'est un pack qui contient la Peugeot Yon à partir de 99 euros par mois, plus un vélo électrique Peugeot offert. Offre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Euro, frontières, fiscalité, chômage. Pour lutter contre la crise, nos responsables politiques sont loin d'avoir tout tenté. Pour François Langlais, les solutions existent. Il faut juste avoir le courage de les appliquer. 2017 est notre dernière chance, sinon tant pis, nos enfants paieront. Tant pis, nos enfants paieront de François Langlais, un livre Albin Michel avec RTL. La Redoute Intérieure présente... Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites-donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 euros tous les 100 euros d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Olivier reçoit en pleine nuit un texto à 23h, en pleine nuit, j'exagère un peu, mais lui disant « Votre vol est annulé demain », donc lui appelle, le lendemain, il dit « Je fais quoi? Je peux prendre un autre vol? Vous me rembourserez la différence ?» La dame au téléphone lui dit « Oui, il n'y a aucun souci. On vérifie, on s'amuse à faire la même chose et pareil, on tombe sur une dame qui n'est pas la même et qui dit pareil, il n'y a aucun souci. Et maintenant, évidemment, on ne le rembourse pas parce que qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement, Olivier, pendant que l'appel est en train de se préparer, quand vous les avez? Bah, à chaque fois, c'est des excuses un peu absurdes. La dernière fois, c'était qu'en fait, la personne qui s'occupait de mon dossier ne travaillait plus dans le service. Ah, ça c'est bête. Et c'est pour ça que je prenais du retard. D'accord. Alors, nous sommes sur le standard de EasyJet. Appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. D'accord, le coup du dièse, c'est fait. Nous partons peut-être, à mon avis, nous allons plateforme, à Julien, ouais. Non, ou alors, parce que je vois que c'est le siège est au Royaume-Uni. Allô? Vous informons que votre appel sera enregistré pour des fins de qualité et formation. Nous pouvons vous demander votre avis sur le déroulement de votre appel. Si vous ne désirez pas être contacté, prière d'informer un de nos conseillers clients. Ok, Robert. Savez-vous que c'est moins cher et plus facile pour vous de gérer votre réservation en ligne? Ah oh bah non, je savais pas. Vous avez réservé directement sur EasyJet.com ou via l'application mobile EasyJet. Oh, la majorité des changements peuvent être effectués via l'onglet Gérer les réservations de la page EasyJet.com. Tu me fais marcher, là. Vous aurez besoin de l'adresse électronique et du mot de passe de votre compte. Non, oui, notre équipe de service client est là pour les clients qui ont besoin de notre aide. Déconneur. Vous demande une assistance spéciale. Oh, avec tes blagues. La réalisation, tu peux pas t'empêcher de faire le pitre. Engendre des frais de 13 euros. Arrête un peu, tu ne prends rien au sérieux. Oh. Sur notre site web, arrête, vous trouverez aussi des réponses aux questions les plus fréquemment posées dans notre rubrique aide. Pour plus d'informations sur les départs et arrivées de vos vols, veuillez consulter le flight tracker. Vous ne me voyez pas, hein, comme on est à la radio, mais je suis en train de faire le nœud coulant de la corde. Si vous n'arrivez pas à trouver de réponse, je suis en train de le passer sur mon cou. Vous n'arrivez pas à Hervé Pouchol l'a fait passer au-dessus de la poutre. Là, je suis sur la chaise. Veuillez appuyer sur la touche. Et hop, ça y est, voilà. La chaise est enlevée, j'ai les pieds qui pendent, là. Appuyez sur 2. Pour réaliser un changement sur votre vol que vous n'arrivez pas à effectuer en ligne. C'est une blague, Bernard Sabat. C'est pas une blague, c'est comme ça. Vous avez l'application mobile est rapide, simple et moins chère. Vous pourriez économiser 15 livres ou 18 euros par passager. Vous aurez aussi l'accès à nos prix promotionnels. On vous pousse à aller sur Internet, Julien, tout simplement. Vous embêtez pas, on perd pas de temps. On vous fait en perdre. Si vous désirez, c'est vrai que ça dure le temps d'un vol, son truc. Appuyez sur la touche. C'est-à-dire que tu mets ça à Paris, t'arrives à Madrid, tu vas chercher tes bagages, il continue toujours. Et alors ? Ah, non mais c'est de la folie ça. C'était drôle d'ailleurs, mais j'ai même fait bien le temps. En plus, on peut même pas appuyer sur une touche pour accélérer le mouvement. Ah ben non, c'est un non. Ça c'est plus sympa. Hein. J'aimais bien le jeune homme, mais là je préfère ça. Cette musique un peu country là. Bon alors Olivier, nous allons patienter. Qui est sur le coup? C'est vous Bernard. Vous me faites une petite alerte. Voici l'alerte, mesdames et messieurs. Quand vous entendez ça, ça veut dire que quelqu'un aura répondu chez EasyJet. Nous le prendrons et la négociation aura lieu sur l'antenne. Maintenant Bernard Sabat, vous ne m'avez pas dit. Il peut exiger quoi exactement, Olivier, quand on aura la personne en ligne là dans une seconde? Déjà de le remboursement immédiat des 800 euros. Et puis comme l'a dit Maître Novakovic, il faut quand même obtenir un dédommagement. Je pense que c'est la moindre des choses. D'accord. On réveille pas les gens à 23h06 pour leur dire demain vous partez pas. Oui, enfin, alors au moins on change de métier. D'accord, enfin, c'est pas tellement le fait à 23h06, je pense pas que vous parce que vous, ça vous gêne pas qu'on vous dérange à 23h, Julien? Il y a des gens qui dorment à cette heure-ci. C'est pas votre cas, c'est pas le mien, mais il y a des gens qui dorment. Je regarde la rediffusion de Plus belle la vie comme tous les soirs à cette heure-ci. Alerte, bon. Julien. Ah, alerte, nous avons quelqu'un. Allô? Oui, bonjour. EasyJet? Allô? EasyJet? Allô? Allô, madame? Allô? EasyJet? Oui, c'est vous? Bonjour. Ah, bonjour EasyJet. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, madame. Je vous appelle car j'ai un auditeur qui a eu un petit souci avec un vol annulé et qu'on ne veut pas lui rembourser. Pourriez-vous me passer, s'il vous plaît, un superviseur? J'ai les références et tout ce qu'il faut. Alors, si j'ai bien compris, vous avez un client qui a... Alors oui, moi, j'ai pas de client. C'est vous qui avez un client à qui on a envoyé un texto à 23h06 en lui disant le vol de demain est annulé. Donc, du coup, il a téléphoné. Il a dit, est-ce que je peux prendre un autre vol? Est-ce qu'on me remboursera la différence puisqu'il avait payé déjà celui qui a été annulé? Et maintenant, il arrive pas à se faire rembourser. Alors. Oui, je vois. Alors, est-ce qu'il... Oui, est-ce bien que vous sûr. Êtes là? Oui, je suis là, bien sûr. Bonjour. Moi. Là, c'est un peu long, je ne vous cache pas, hein, mais prenez votre temps. Mais est-ce que j'ai le temps de faire une petite pause, autant que vous réfléchissiez à ce que vous allez me dire? Bon, alors écoutez, EasyJet s'est lancé dans le mime. Pourquoi pas? C'est maintenant des mimes qui sont derrière le téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Cette dame ne veut pas me parler. Est-ce que vous pouvez lui parler, Bernard? Nous, on va se retrouver dans une seconde. Dès qu'il y a un... Non, je ne pense pas. Je vais lui parler, mais. D'accord, pas de soucis. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait, madame, exactement? Vous pouvez me passer quelqu'un? Alors, passez un test. Ah, c'est super ça. Ah, je vous la récupère. Merci beaucoup. Remarquez, un petit blanc de temps en temps, ça fait du bien aussi, parce qu'on doit vous saouler. On le sait, mais là, ça faisait quand même un peu beaucoup. Allez, l'alerte dès que ça arrive. Le cas numéro 2. Ça sera une petite enquête que nous a fait Sarah sur les faux comptes. Faites très attention. Les faux comptes, sur... ça ne va pas, Maître Novakovic? Non, mais faux comptes, ça m'énerve. On vous rappelle pas. Une fois, on avait quelqu'un qui avait. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de glousser comme ça. Ça m'énerve. J'étais en train de dire, on va faire une enquête sur les faux comptes, et tout d'un coup, j'entends. Je me suis dit, bon. Oui, c'est énervant, bah, c'est de l'arnaque. Ça doit être la clim qui est peut-être un peu forte. On va se retrouver donc dans une seconde. Oui, Sarah, beaucoup de vedettes, de stars se font avoir. On pirate leurs comptes et vous avez essayé de retrouver les numéros de téléphone des gens qui font ça. Je les ai testés et vous faites partie de ces people dont le compte est piraté. On va en parler dans quelques instants. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL, 9h44. Dès qu'il y a une alerte EasyJet, évidemment, vous serez les premiers informés. Voici celui qui revient, mais alors, au top du top, c'est Louise Attaque et sa date de 97. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le devant. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais

écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, de temps en temps, nous mettons une arnaque en lumière à soigneusement éviter. C'est vrai que j'ai vu pas mal de comptes Twitter de stars qui n'étaient pas contentes cet été parce qu'on utilisait leur nom. Sarah, s'il vous plaît. Oui, effectivement, Julien, je vous avais vous-même alerté cet été et des auditeurs ont été nombreux en fait à me solliciter. Effectivement, il y a différents comptes qui se sont multipliés. Il faut savoir que les personnalités, vous donc, vous allez demander à ces personnes de vous ajouter sur Facebook. Donc forcément, bah, ils sont flattés, ils sont contents. Et là, vous leur dites qu'ils vont gagner un iPhone. Mais pour cela, ils doivent composer un numéro. Imaginez bien que ce numéro est surtaxé. J'ai tout enregistré pour faire gagner du temps. On vous demande d'abord d'appeler une première fois. Écoutez. Préparez-vous à bien noter le code qui vous sera communiqué. Vous devez appeler encore une fois ce numéro depuis le téléphone que vous utilisez actuellement pour obtenir votre code d'accès. Merci pour votre appel et à tout de suite. Alors il faut savoir que là on me demande juste une deuxième fois, mais j'ai retesté derrière, on m'a demandé 4 fois de rappeler ce numéro qui est à 3 euros au niveau du décrochage et après une communication normale, donc ça coûte très cher. Donc là on va vous communiquer un numéro, écoutez, c'est le deuxième appel, enfin j'ai le code secret. Service facturé, 3 euros plus prix de l'appel. Bonjour, notez bien le code qui va vous être communiqué. Votre code d'accès est le chiffre 8, le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 7, le chiffre 5, le chiffre 4, le chiffre 8, le chiffre 3. Merci. Et à bientôt. Facile à retenir en tout cas. Hein. Facile. Vous notez que c'est très lent. J'ai fait un petit montage, mais le temps de le noter, c'est très lent. Bien donc, il gagne de l'argent. Là, vous êtes tout excité. Vous dites, c'est super, je vais communiquer ce code. Là, vous dirigez vers le people. Il faut savoir qu'il y a vous, Gad Elmaleh, Jeff Panaclock, Kenji Girac. Enfin, il y a juste tout le monde. Vous communiquez le code, vous attendez. Vous attendez, et vous attendez parce qu'il ne se passe plus rien, c'est et là fini. Il disparaît, c'est exactement ça. Donc ça a coûté, ils se sont pris au moins 10 à 15 euros, facilement. C'est exactement ça. D'accord. Il y a plus d'un millier de personnes qui sont victimes de ces faux comptes, donc s'il vous plaît, arrêtez d'y croire, posez des questions et arrêtez. Et surtout, dites-vous que Kenji Girac, qui vend des milliers de disques, j'ai vu que Guillaume Canet aussi était dans la liste, oui, qui est l'un des acteurs les plus bankable actuellement de la planète, n'a pas besoin de vendre au porte-à-porte des iPhones pour gagner sa vie, ils ont autre chose à faire. Oui, Maître Nankovic. Écoutez, cela mérite quand même un signal à la Direction Générale de la Répression des Fraudes, bien sûr, qui mènera son enquête et saisira le procureur de la République. Il faut le faire pour stopper ces arnaques. Bon, merci en tout cas. Belle enquête, ma petite Sarah. Merci. Et comme ça, on est à l'affût de toutes ces arnaques, notamment sur les numéros surtaxés. Du côté de EasyJet, par contre, là, on est surtaxé, mais on n'a personne. Ouais, foutage de gueule. Excusez-moi cette expression un peu maladroite, mais 13 minutes 45. Une demoiselle qui me reprend en ligne et qui me dit, mon superviseur va vous parler. J'attends toujours. Bon, alors est-ce qu'on a... surtaxé, comme dit Hervé, hein, c'est pas anodin. Est-ce qu'on a un numéro de siège? Parce qu'il est à Londres, le siège. Vous voyez, c'est aussi le problème. Alors, on va peut-être sur une deuxième ligne lancer en parallèle le même numéro pour avoir quelqu'un, mais vous voyez un peu la galère. Moi, j'ai rien. Au contraire, tant mieux s'il y a des vols qui ne sont pas chers, tant mieux si ces compagnies proposent des vols pas chers, mais c'est pas pour autant qu'il faut y avoir zéro suivi derrière. On peut pas envoyer un texto à 23h06 à quelqu'un en lui disant demain matin, tu ne prendras pas l'avion, et basta. Lui, le malheureux, il a besoin d'aller bosser. Il prend un deuxième avion. Il appelle quand même. Il prend la précaution d'appeler en disant, est-ce que si j'en prends un deuxième avec une autre compagnie, vous me rembourserez la différence? On lui dit oui, allez-y. Et puis après, plus rien. Quand on appelle, personne au téléphone. Nous-mêmes, RTL, quand on appelle, on nous dit on va vous passer quelqu'un, on vous passe personne. Si ça peut aider, I speak very well English, j'appelle le siège. Eh ben, essayez d'appeler le siège. Mais effectivement, mais là, j'ai plutôt besoin de vous pour le deuxième cas en parallèle, puisque Bernard maintenant est dédié au cas EasyJet. Voici un deuxième cas qui démarre. Voici ce que Laurence nous a dit sur le répondeur du 9h30-11h RTL. Cela fait plus d'un an qu'un ami artisan, à qui j'ai déjà versé plus de 14 000 euros pour la construction d'un garage, me prend pour une imbécile. C'est le roi de l'excuse en tout genre, le champion du monde du contretemps. J'ai l'impression qu'elle est en colère, ma Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? De Bourgogne, dans la Nièvre. Bonne journée avec nous, ma Laurence. Nous allons essayer de vous aider. Vous avez demandé donc à un ami, un bon ami ou un ami lointain ? Un bon ami, normalement. Gérant d'une société spécialisée dans le bâtiment, de vous construire un garage. Et il vous fait un devis de 16 479 euros. Et vous lui avez versé un premier acompte de combien, Laurence ? Le premier acompte était de 1 500 au départ. Et puis vous en avez rajouté un deuxième de 7 279 euros, puis un troisième de 5 793 euros, total 14 572. Alors il le justifie par quoi ? Il dit que c'est le matériel ? pour acheter le matériel. Bon, mais au bout du compte, vous apercevez qu'il n'y a que le coffrage qui a été fait en juillet 2015 et il n'est plus revenu malgré tout ce que vous lui avez donné. Oui, il est revenu 2 jours cette année au mois de juillet pour faire du désherbage. Bien. Et alors, il vous envoie du désherbage. OK. Bon, pourquoi pas. Des SMS, il vous en a envoyé dans lequel il vous remercie de votre patience. Alors, est-ce que vous avez quelques petits SMS à nous lire, Maître Fellonneau, qu'aurait envoyé ce monsieur? Bah, écoutez, on voit quand même qu'ils sont très, très proches, puisque au bout du 20e SMS, notre amie Laurence s'appelle elle-même la chieuse. Elle dit, c'est moi la chieuse, c'est-à-dire qu'elle ose effectivement lui rappeler qu'il faudrait quand même qu'il vienne. Il dit oui, j'arrive ce matin, mais oui ma lolotte, je suis toujours là, je vais prendre un moment, et puis vraiment le travail ça se fait dans l'amour et la patience. Donc franchement c'est assez amusant comme correspondance, mais ça n'a rien de professionnel. Ça, c'est plus dans la patience que dans l'amour, hein, pour oui, lui oui, parce que là ça fait un peu long. Maître Novakovic, quand même, elle a payé trop et trop vite, lolotte. Julien, vous le savez très bien, je conseille systématiquement aux auditeurs de cesser de payer la totalité des travaux, 90% sont des travaux, ça ne motive pas l'artisan. Donc là, en l'occurrence, il a perçu une somme considérable. Rien n'a été fait quasiment. Donc, bien sûr, il faut l'appeler parce que l'objectif, c'est qu'il finisse ce garage. Mais sinon, elle peut effectivement saisir le tribunal pour un remboursement. Dans un premier temps, elle serait obligée, bien sûr, de passer par un référé expertise, bien sûr. Laurence, la dernière fois que vous lui avez parlé, elle vous a dit quoi ? La dernière fois... Enfin, le dernier dialogue, il en est où, là, aujourd'hui ? Il vous dit encore « je vais venir », il dit quoi ? Ah non, j'ai plus de dialogue. Bon, on va voir s'il est joignable, puisque Hervé Pouchol va lancer l'appel dans quelques minutes. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète fort dans ce dossier. C'est que ce monsieur vous a fait un devis pour 15 000 euros. Et il dit qu'il est très occupé, mais je me demande bien à quoi. Étant donné que sur le chiffre d'affaires qu'il a publié pour 2015, c'est-à-dire l'année où vous avez versé l'argent, son chiffre d'affaires déclaré était de 28 300 euros. C'est-à-dire qu'à vous toute seule, vous avez fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Alors, soit il ne facture pas, soit je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, nous allons demander, Maître Fellonneau, ça sera l'objet de l'appel qui va arriver dans quelques instants et vous serez là sur l'antenne d'RTL car tous les matins entre 9h30 et 11h, toutes les négociations ont lieu en direct. La seule émission qui vous rend service, c'est celle-ci. Alors, soyez là. Hervé Pouchol, on est prêt ? Oh oui ! Alors faites-moi à tout de suite sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron ? Ah, je suis paumé là. T'es paumé là ? C'est quoi encore ce Méli-Mélo ? T'es chez Lidl ? Ah oui, et pour nous, c'est pas un mélo, hein. C'est un drame, patron. Aujourd'hui et demain, ils nous ont mis le pomelo à 69 centimes la pièce. Le pomelo à 69 centimes pièce chez Lidl ? Bon, c'est pas gagné. Ah, c'est paumé là, oui. Et c'est le vrai prix, hein. 69 centimes. Bah, ça suffit. T'y vas mollo sur le pomelo, ok ? Ok, patron. On est mal, je sais. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine Afrique du Sud. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Tout chaud. Été indien. Radiateur programmable. Économie d'énergie. Facture réduite. Prix chaleureux. 79 euros. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Radiateur à inertie sèche 1000 watts avec double cœur de chauffe pour restitution progressive de la chaleur à seulement 79 euros. Éco-participation incluse. Arrivage en quantité limitée à partir du 9 septembre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Petit message Peugeot en forme d'appel. Éclairage, présent. Ok. Dégivrage, présent. Très bien. Frein, présent. Batterie, présente. Balai essuie-glace, présent. Feu stop. Il n'est pas là, feu stop. Si, présent. Bon. Eh bien, c'est parti. Voilà un bilan de rentrée qui démarre sur les chapeaux de roue. En ce moment, chez Peugeot, le bilan de rentrée sur 32 points de contrôle est offert. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Vous avez choisi RTL, la première radio de France. L'émission qui règle vos problèmes revient dans quelques instants, juste après les infos, bien sûr. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'actualité est marquée ce matin par ces trois femmes arrêtées dans l'Essonne. Trois femmes radicalisées. Elles s'apprêtaient à commettre un attentat selon la police. Damien Delceni, ces femmes sont liées à la voiture suspecte pleine de bonbonnes de gaz découverte à Paris le week-end dernier. Exactement, ces femmes en fait samedi soir ont tourné dans Paris au volant de cette Peugeot 607 remplie de bonbonnes de gaz. Elles ont tourné jusqu'à arriver dans le quartier latin où elles ont tenté d'incendier la voiture pour la faire exploser. Mais là, ça ne marche pas. Elles se disputent dans la voiture, prennent la fuite en abandonnant le véhicule, reviennent quelques instants plus tard pour essayer de l'incendier à nouveau. C'est là qu'elles remarquent la présence d'un ou deux hommes qu'elles prennent pour des policiers, alors qu'en fait, ce ne sont pas du tout des policiers, ce sont des témoins qui sont intrigués par cette voiture. Et elles décident à ce moment-là de partir, de disparaître et d'abandonner cette voiture qui sera découverte plus tard. Et c'est là qu'apparemment, elles partent dans leur planque vers l'Essonne. Et l'enquête s'est accélérée dans la matinée d'hier. Exactement. Hier, en fin de matinée, la DGSI, qui a des écoutes téléphoniques sur ces trois femmes, comprend très vite qu'un projet est en cours, qu'un projet imminent d'attentat est en cours. Les femmes évoquent la possibilité d'une action à la gare de Lyon ou dans une autre gare de l'Essonne. Décision est donc prise par le ministre de l'Intérieur et par la DGSI de placer un dispositif spécial de police autour de la gare de Lyon, autour de plusieurs gares de l'Essonne et autour de cet appartement, de cette planque de Boussy-Saint-Antoine. Et donc hier, peu après 19h, les trois femmes sortent de leur planque, sortent de leur appartement en voiture. Elles sont immédiatement interceptées par des policiers qui se trouvent autour. Alors on connaît la suite, une interpellation assez violente. Une des femmes, Inès, la plus jeune, 19 ans, s'est jetée sur un policier de la DGSI avec un couteau pour essayer de le blesser. Il a été légèrement touché. Il y a eu un tir de riposte. Elle a elle-même été assez grièvement blessée et hospitalisée. Les deux autres femmes qui étaient avec elle sont en garde à vue, évidemment, depuis hier soir. On sait donc maintenant qu'il y avait un projet d'attentat très très imminent et très très violent à venir. Merci beaucoup Damien Delceni. Vous nous révélez d'ailleurs aussi sur RTL que la plus jeune de ces femmes, âgée de 19 ans, avait prêté allégeance à l'État islamique. C'était elle qui a poignardé un policier et qui est blessée. Elle avait sur elle sa lettre d'allégeance à Daesh. Et ces trois femmes voulaient apparemment venger la mort du porte-parole et numéro 2 de l'État islamique tué récemment en Syrie. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la baisse des impôts. Elle sera d'1 milliard d'euros pour ce qui est de l'impôt sur le revenu en 2017 et bénéficiera à 5 millions de foyers de la classe moyenne. C'est ce que vient de dire le ministre de l'Économie et des Finances. Michel Sapin précise qu'il s'agit d'une réduction de 20%, soit près de 200 euros pour les ménages concernés. Par ailleurs, tous les retraités, quel que soit leur revenu, bénéficieront à partir de 2017 d'un crédit d'impôt pour les services à la personne et l'emploi de salariés à domicile. Et puis enfin, le taux d'impôt sur les sociétés sera ramené à 28% en 2017 et 2018 pour les PME, les petites et moyennes entreprises, et puis pour toutes les entreprises d'ici à 2020. 33 personnes ont passé la nuit dans des cabines du téléphérique du Mont-Blanc et ce matin, elles ont pu enfin retrouver la terre ferme. Le téléphérique a été débloqué. Les câbles s'étaient entremêlés hier après-midi, sans doute à cause du vent. Ces naufragés du vide ont eu froid. Température nocturne proche de zéro dans le téléphérique cette nuit, mais les secours sont restés en contact permanent avec eux. Première médaille d'or française aux Jeux Paralympiques de Rio, décrochée par la judokate Sandrine Martinet, 33 ans, malvoyante dans la catégorie des moins de 52 kilos. Le tennis à l'US Open, Gaël Monfils joue la nuit prochaine pour une place en finale. Il doit battre pour ça le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. La Bourse de Paris ouverte en baisse, moins 0,24%. La tendance reste à la légère baisse alors qu'il est le CAC 40 tourne autour de 4535 points. La météo du jour, ce sera du soleil en général, mais des nuages de la Bretagne au Cotentin et des orages qui pourraient se développer sur les Pyrénées. Côté température, on ira de 22 degrés à Brest jusqu'à 33 à Nîmes, 26 prévus à Lille et Paris, 28 à Strasbourg comme à Nice ou encore 32 à Marseille. Les pronostics de Bernard Glace pour le quintet en nocturne à Vincennes. Il vous conseille de jouer le 3, le 4, le 5, le 16, le 8, le 14, le 13 et le 9. Et la dernière minute de Bernard, c'est le 16. Vicky Shima. Il est 10h04, vous êtes sur RTL avec, bien sûr, Julien Courbet. Merci Marie. D'autres infos tout à l'heure avec vous à partir de 11h. Cette dernière de la semaine a démarré sur les chapeaux de roue avec un cas voyage de cet auditeur qui nous dit « J'avais pris un vol EasyJet pour un dimanche matin, mais le samedi soir, à 23h, je reçois un texto, il n'y a plus de vol demain. » Il appelle, il dit « Bon, ben, je vais prendre une autre compagnie, vous me rembourserez la différence. » « Bien sûr, vieux !» lui répond-on, car on parle comme ça dans les compagnies. Et donc nous avons appelé, parce que lui, il n'a toujours pas le remboursement, évidemment. Et depuis combien de temps est-on en ligne, Bernard Sabat? 26 minutes, je n'en peux plus. C'est le nouveau record, 26 minutes, mesdames et messieurs. Alors, on va tenter de battre un nouveau record avec nos amis d'EasyJet, hein, que j'appelle sur l'antenne à nous répondre. Voyons combien de temps ça peut durer. Est-ce qu'on peut avoir une heure d'attente? Pour l'instant, 26 minutes, c'est marqué sur le téléphone. Ah, c'est marqué, on est à 27 minutes 27, pour être précis. On va faire des petites captations, Marie, du temps qu'on enverra sur Facebook pour vous dire où on en est. Bon, alors voilà, on attend, on finira bien par avoir quelqu'un, je l'espère. En parallèle, on a lancé un deuxième cas, un cas important, Laurence. C'est toujours compliqué, hein, de faire appel à des amis qui s'improvisent artisans. C'est ce qu'elle a fait. Elle lui a donné 14 000 euros. Il devait construire un garage. Et aujourd'hui, il y a quoi exactement si je viens chez vous, Laurence? Qu'est-ce que je vais voir après avoir donné ces 14 000 euros? Le coffrage. Le coffrage et c'est tout. Plus aucune nouvelle. Alors, il lui a envoyé des tas de textos. Il y en a un ou deux qui ne plaisent pas trop non plus à Med Novakovic, où il dit « j'ai plus de quoi prendre du personnel ». Enfin, c'est ça, on sent en fait, que... il dit « j'ai plus de personnel, je ne peux pas faire, je n'ai pas les moyens de le faire », etc. C'est scandaleux parce qu'il a quand même pris 90%, voire même plus, de la somme qui revient pour la construction du garage. Donc, ça n'est pas honnête. Il faut vraiment, vraiment qu'on parvienne à l'avoir au téléphone. Nous allons l'appeler dans une seconde. Et je rappelle que vers 10h20, Romain, coup de gueule pour sa mère. Il en a marre, il a l'impression qu'on est en train de la plumer. Écoutez ce qu'il nous a dit. Romain, ça sera l'enquête. Je voudrais te pousser un coup de gueule. On est en plein abus de faiblesse caractérisé. Une entreprise a déjà soutiré 14 000 euros à ma grand-mère, il y a 2 ans, pour des travaux injustifiés. Voilà qu'elle veut maintenant lui reprendre 4 000 euros sous la forme d'un crédit. Oh, ça va s'arrêter. Il en a marre, hein. C'est pas sa mère, c'est sa grand-mère en fait. Bon, allez, on va appeler pour l'ami artisan qui a pris 14 000 euros, qui a toujours pas fait le garage. Vous aviez un petit rajout à faire rapide? Oh, je vous passais quand même un petit argument qui est quand même assez croquignolet. C'est, tu sais bien que j'ai un chantier difficile, je travaille à 10 mètres de haut, j'ai 70 marches à monter. Ah oui, c'est un texto. Et ça fait des mois qu'il justifie ça, son retard comme ça. Soyons sérieux un peu. Alors, je lis ce qui a marqué sur le texto. Pour le travail, il faut le faire avec amour et patience. Il dit ça à notre auditrice. Je sais, tu attends, mais quelle patience en ce qui te concerne. Bravo, tu te bonifies avec le temps, donc il la flatte. Tu sais très bien que le chantier était très difficile, car je suis à plus de 10 mètres de haut. Il y a 70 marches à monter, à descendre, et plusieurs fois dans la journée, et les moyens m'empêchent d'embaucher. Voilà, mais je vais faire un effort pour couler la dalle. As-tu fait des herbages autour du garage? Car il faudrait le faire. Merci de ta compréhension. Grosso modo, si tu veux que je vienne travailler, il faut que tu travailles un petit peu aussi. Ben oui. Hein, avance-toi dans les travaux, on y va. Je vous reviens dans quelques instants, Maître Novakovic. Attention, l'appel est lancé après ceci. Petit message Peugeot en forme de devinette. Quelle est la différence entre une perceuse sans fil et l'utilitaire Peugeot Partner électrique? Eh bien, les deux se rechargent en 30 minutes seulement, mais la perceuse ne possède pas de banquette 3 places. Le Peugeot Partner électrique est à partir de 159 euros hors taxes par mois. Option charge rapide 30 minutes et prise de recharge à domicile offerte. Crédit bail 60 mois et 50 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur peugeotwebstorepro.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé? Chez Lidl? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah paumé, paumé, paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,99€. Moins de 2 euros le filet de 2,5 kg? Oui, et Origine France, patron, hein. Ça fait 80 centimes le kilo de pommes de terre. On va encore. Paumé, oui, ça va, j'ai compris. Je suis mal. On est mal, patron. On. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55, variété Annabelle ou Marilyn selon magasin, Origine France. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. On lance l'appel et nous croisons les doigts pour que cet artisan nous réponde, l'ami qui a pris 16 000 euros et qui n'a toujours pas fait le garage. Vous n'aviez pas demandé évidemment les assurances, etc. à cet ami, je suppose? Non. Voilà. Ça, hein. Attention, amis, pas amis, je vous en supplie. Faites-le demander s'ils sont assurés. Quand ils ne vous donnent pas l'assurance, vous voyez bien qu'il ne faut pas se lancer. Surtout dans des sommes aussi importantes que 18 000 euros. Il ne va pas répondre. On va lui lancer un appel. Vous inquiétez pas. On ne lâchera pas. On va vous aider parce que là, c'est quand même catastrophique pour vous, cette histoire. Hein. Bonjour. Vous êtes alors, on a que ce numéro, on en a plusieurs. Apparemment, on en a un deuxième, je crois. Je vous écoute à la hasard, notre rédacteur en chef. Non, Julien, on avait fait des recherches. On a que ce numéro, malheureusement. C'est son portable. Il n'a pas d'autre numéro que celui-là. Alors, avant de lancer l'appel, je propose que l'on fasse le numéro en boucle et vous me faites une alerte, Hervé ou Marie. Dès que quelqu'un répond, vous le balancez sur l'antenne. sans même chercher à savoir et nous lui expliquerons la situation calmement. D'accord ? Mais figurez-vous que je vous avais devancé. Ah. Mais je viens de retomber sur le répondeur. Ah, d'accord. Donc bien je ne vais pas lâcher l'affaire. Ça marche. Donc on a, d'un côté, EasyJet, où on en est à combien d'attentes sur le chrono, s'il vous plaît, mon petit Bernard ? 30 minutes 25, on avance vers le record. Mais entre-temps, Julien, le service presse d'EasyJet a entendu l'émission. Tant mieux. Vient nous rappeler au standard et nous a demandé quelques minutes pour nous apporter une réponse plus concrète. Voilà l'information. Bah, on attend toujours du côté du standard. On attend, bien sûr. On a 30 minutes, on ne va pas se priver d'avoir un petit record, une petite médaille. Hein, évidemment. Aux Jeux Olympiques de l'attente. Nous attendons également l'artisan, bon là il répond pas, mais on va elle connaît le principe, hein, l'auditrice. Quand on peut, on règle le problème le jour même, sinon c'est le lendemain, le surlendemain, mais je ne suis pas inquiet, peut-être qu'on aura une réponse ici 11h. On va passer à Ça s'est passé hier, puisque c'est un feuilleton l'émission, ça s'écoute du lundi au vendredi et on vous donne chaque jour des nouvelles des cas qui ont été traités dans les jours précédents. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Et Marie-Claude est passée hier dans la spéciale porte ouverte, donc elle a téléphoné genre vers 9h, elle est passée sur l'antenne en direct, d'ailleurs je vous rappelle qu'en appelant maintenant, vous pouvez peut-être aujourd'hui avoir la chance de passer directement. Donc vous appelez, quelle que soit l'aberration dont vous êtes victime, vous avez l'impression qu'on vous prend pour un pigeon, précipitez-vous maintenant sur le standard, vous serez mieux servi, évidemment. Et vous avez aussi le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Donc, Marie-Claude nous a dit ça. Ah, c'était une porte ouverte, donc il n'y avait pas de message. Je suis un crétin, je viens juste de l'expliquer à l'instant. Et ne riez pas, s'il vous plaît, quand je dis ça. Depuis le... Elle est en ligne en plus, Marie-Claude, et ça la fait rire. Marie-Claude, vous êtes là ? Oui. Excusez-moi, Marie-Claude. On est vendredi, je suis un petit peu fatigué. Donc, depuis le 10 août, vous nous aviez expliqué que votre ex-compagnon n'avait pas de carte vitale, car elle avait cessé de fonctionner, et il se battait pour en obtenir une nouvelle, surtout Maître Felloneau, que le fait de ne pas avoir de nouvelle carte, il avait malheureusement des problèmes de santé, et il y avait des avances à faire qu'il ne pouvait pas Exactement, faire. Exactement, parce qu'il ne perd pas son droit au remboursement, attention, mais il doit faire l'avance, et ensuite, évidemment, toutes les formalités qu'on a perdu l'habitude de faire, puisqu'en général, maintenant, c'est la télétransmission de la caisse à votre mutuelle. Marie-Claude, nous avions eu hier la caisse primaire d'assurance maladie, nous avions obtenu qu'un papier qui permettrait par la suite d'avoir la carte serait à disposition. Avez-vous été le chercher ? Immédiatement. Alors, vous y avez été immédiatement. Alors, dites-moi, vous avez maintenant le papier en main ? Alors, le papier est déjà reparti en recommandé accusé réception. Pour la demande donc de la carte. De la carte. Voilà. Elle nous a dit que ça prendra plusieurs semaines après pour avoir la carte. Sarah, de votre côté ? Alors, je suis en relation effectivement avec le centre justement qui gère ce genre de dossier. Ils m'ont assuré qu'ils allaient accélérer la procédure. De toute façon, voilà, je suis le dossier. Ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, ça sera réglé. Alors, nous faisons en sorte d'accélérer la procédure entre le moment où on a le papier et la carte. On va essayer de se fixer comme objectif de l'avoir la semaine prochaine. On fait tout. J'espère que les gens de la CPAM, je vous le garantis pas, mais on se bat et Sarah fait tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas. D'accord ? Comptez sur moi. Voilà, je voulais vous tenir au courant, Marie-Claude. Vous êtes une équipe formidable. Bah, c'est vous qui êtes formidable, Marie-Claude. Je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Bon week-end à vous. Allez, enfin, nous allons continuer. Attendre EasyJet. On en est combien au compteur d'attente, s'il vous plaît, Bernard Sabat ? 33 minutes, Julien. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que je parle avec un superviseur depuis 2-3 secondes. Il m'a demandé d'attendre. Vous savez qu'il y a Superman et il y a maintenant Superviseur qui est là et qui va peut-être essayer de régler le problème. De votre côté, Hervé, vous essayez avec l'artisan non-stop. Pour l'instant, il ne répond toujours pas. Et à un moment, j'ai cru la voir parce que ça a sonné. Ah. Parce qu'au départ, ça a raccroché directement. Et là, je vais laisser un petit message. Alors, est-ce que je reviens sur EasyJet, Bernard Sabat, on peut lancer la négo avec le superviseur et lui parler sur l'antenne, puisque je veux que tout soit sur l'antenne. Oui, Julien, vous avez raison de demander ça, mais je vais vous le commuter, mais il ne veut pas parler. Alors, attendez, je vais lui expliquer. Monsieur le superviseur, bonjour, je suis Julien Courbet, vous n'êtes pas obligé de me parler. Je veux juste essayer de comprendre ce qui se passe, il n'y a rien de grave. Est-ce que vous auriez l'amabilité de bien vouloir qu'on ait une petite conversation tous les deux maintenant ou vous ne voulez pas ? Non, non, bien sûr, avec un grand plaisir. Bon, parce qu'il n'y a rien de grave, voilà. Monsieur, je vous explique juste. Un monsieur, vous avez compris le cas ou pas ? Oui, j'ai compris le cas. Bon. En fait, il y avait une réservation, le vol retour a été annulé. Oui. C'est-à-dire à 23h, il a eu un texto, le vol n'aura pas lieu, donc lui il a paniqué, il a appelé EasyJet, il a dit est-ce que je peux prendre un autre vol, vous me remboursez la différence, on lui a dit oui, et maintenant il n'a pas la différence, enfin on ne lui rembourse pas. Voilà. Il y a beaucoup de blanches EasyJet, quel que soit l'interlocuteur. Oui, je vous écoute monsieur, comment on peut avancer ? Écoutez, ne vous inquiétez pas, là moi je vois le dossier devant moi, je ne peux pas vous donner les informations par rapport au dossier, mais moi je peux vous dire que c'est bon. Il y a une procédure de remboursement qui a déjà été amorcée. qui était amorcé. D'accord. Alors attendez, ça date de quand exactement, Olivier ? Ça date du 18 juin. Et alors, une fois qu'elle est amorcée, vous pensez que ça va mordre quand ? On rembourse sous forme de chèque, courrier prêt additionnel. Et ça prend jusqu'à 6 semaines maximum. Combien ? 6 semaines maximum. 6 semaines. Alors, donc lui, il a demandé le remboursement quand, Olivier ? Le 20 juin. Le 20 juin. En 6 semaines, c'est un peu passé, là, quand même. Non, je comprends. En fait, ils ont eu un problème par rapport aux documents. Ah, il y a eu un problème par rapport aux documents. Bon. On demande à chaque point des justificatifs. Oui. Et là, on a eu les justificatifs, on les a reçus. C'est juste qu'on a plusieurs demandes de remboursement, vu qu'on a eu beaucoup d'annulations au courant de l'année. Ah, d'accord, au courant de l'année. Et vous, Bernard, qu'est-ce que vous avez dit ? C'est honteux ce que j'entends. Et Marouane n'y pour rien sur la plateforme, parce qu'il est superviseur, mais il faut faire remonter l'information. On dit, une fois on n'a pas reçu les cartes d'embarquement, une fois la personne qui s'occupe du dossier est partie définitivement de la société. C'est quoi ces arguments, Julien ? Dites-moi, c'est quoi ? Bon, alors monsieur, je compte sur vous, sinon on y revient. On va y revenir de toute façon mardi ou mercredi. On va pas tous les deux jours relancer le remboursement d'EasyJet. D'autant plus qu'on a téléphoné nous-mêmes. Il y a encore une dame qui nous a dit, oui, ça prend quelques semaines à peine. Là, ça fait des mois et on a l'impression, deux semaines, on a l'impression que c'est un petit peu, allez, voyons ce qu'on va pouvoir lui dire comme excuse pour retarder. Donc je compte sur vous, on peut se rappeler. Est-ce que par exemple mercredi on peut vous joindre, vous monsieur ? Directement, malheureusement non. Le numéro de téléphone. Ça sera un autre qu'il faudra tout réexpliquer à partir de mercredi, etc. Bon, on verra bien. De toute façon. Moi, ce que je peux faire de mon côté, c'est que je peux appeler monsieur Morin ou madame Morin. Oui, ça serait super. Appelez-le. Il vous écoute. Il est là. Il est là, il vous écoute. Oui. Alors, oui, je suis là. Bonjour. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Ne vous inquiétez pas, je prends le dossier en charge et je ne le lâche que lorsque vous allez recevoir votre remboursement. D'accord. Bon, alors, ok. Ça, c'est parlé. Ça, j'aime bien. Je ne lâche. Alors, Olivier, on va se faire un point mercredi, EasyJet, et puis on fera un point tous les 3 jours pour savoir quand est-ce que vous allez avoir votre remboursement, sachant que vous l'avez demandé, je rappelle, le 20 juin et qu'il faut 2 semaines. Mais c'est des semaines de 70 jours. On fait comme ça, Olivier ? Oui, on est d'accord ? Oui. Excusez-moi, Julien. Est-ce que je pourrais faire une demande de dommages et intérêts ? Ah ben ça va faire partie de la négo, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on a le droit ou pas, Bernard ? Oui, bien sûr qu'on a le droit. Je pense que dans tous les cas, quand on appelle en dernière minute pour annoncer, il faut des raisons, comme l'a évoqué Maître Novakovic, des raisons vraiment précises. Mais non, on va pas se mentir, on n'est pas là pour raconter, voilà, vous allez avoir, ça sera peanuts, quoi. Vous iriez en justice, vous n'auriez pas énormément, Maître Novakovic. Oui, enfin, quand il va recevoir le chèque non conditionné par quoi que ce soit, par un protocole d'accord, il pourra très bien, par la suite, saisir le juge de proximité et dire, j'ai été remboursé. J'ai attendu, j'ai subi un préjudice, je demande des dommages. Sur un vol qui vaut combien ? Rien, c'est gratuit. Combien valait le vol, Olivier ? 137 euros. Ouais. Voilà, donc ça va taper à 30-40. Mais si vous voulez, pourquoi pas ? Quand même, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ou lui faire un canon petit billet ? Si on veut garder des clients. Mercredi, EasyJet, en tout cas, le superviseur a dit je ne lâcherai que quand ce sera résolu. On revient sur un autre cas, sur RTL. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh, la chance ! Et le tien ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Affligem, cuvée blonde. D'abord, contemplez les reflets dorés de sa robe millénaire. Puis, ressentir toute la richesse du bouquet fruité d'Affligem. Enfin, savourer le subtil équilibre de ses notes de fruits jaunes et de miel. C'est l'instant où se révèle la parfaite harmonie d'Affligem cuvée blonde. Affligem, et si la bière se dégustait ? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Je suis le pot de peinture de chez Castorama. Ce week-end et ce week-end seulement, moi et tous mes copains du rayon peinture, nous sommes à moins 15%. Oui, moins 15%. Et on va rafraîchir votre intérieur, n'est-ce pas les copains ? Oui ! Alors rendez-vous chez Castorama aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour profiter de 15% de remise sur les peintures intérieures blanches et de couleur. Tous à vos pinceaux ! Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site.

Mani et sur RTL. Je vous rappelle qu'à partir de janvier, nouveau One Man Show qui démarre avec RTL, que je viendrai vous présenter en tournée de rodage. Et on démarrera à Toulouse, 13, 14, 15 janvier, au Théâtre des 3T, toute petite salle de 80 places pour tester les textes et tout. Vous allez voir, c'est super convivial. Versailles, 20, 21, 22 janvier. Moret-sur-Loing, 27, 28 janvier. Le Spotlight à Lille, 3 et 4 février. J'espère que vous serez là. Et les enfants, on y va, on attaque. Voici la grande enquête, 10h24. Romain, donc vous le savez, a poussé un coup de gueule. On réécoute son coup de gueule. Je voudrais te pousser un coup de gueule. On est en plein abus de faiblesse caractérisé. Une entreprise a déjà soutiré 14 000 euros à ma grand-mère, il y a 2 ans, pour des travaux injustifiés. Voilà qu'elle veut maintenant lui reprendre 4 000 euros sous la forme d'un crédit. Oh, ça va s'arrêter. Romain, bonjour. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL, Romain. Oui, bonjour Julien. Je sais que vous en avez, comme on dit dans le métier, gros sur la patate, car il y a quelques mois, un commercial d'une société de BTP vient proposer à votre grand-mère, 80 ans, de changer sa porte qui serait défectueuse et toutes les tuiles de la toiture. Ouais. Alors dans ces cas-là, elle ne téléphone pas à son petit-fils ou à... pour essayer d'en savoir plus. Elle... Ah bah, c'est surtout que ça a commencé, ils ont posé un petit papier dans une boîte aux lettres. Après, ils ont rappelé la maison et sont donc tombés sur ma grand-mère. À partir de là, ma grand-mère leur a dit oui, si vous voulez, vous pouvez venir tout simplement, gentiment, venir voir s'il y a quoi que ce soit. Ils sont bien venus monter dans les faux-combles, et dans les faux-combles, ils sont arrivés, ils ont dit, il y a tout à changer, c'est normal madame, il manque de la laine de verre, et c'est un tissu de mensonge, sachant que moi-même j'y montais, j'ai entreposé des choses, etc. Donc ils lui ont fait enlever toute sa laine de verre, ils lui en ont remis, et en plus baratiner pour lui refaire toute l'isolation des soupentes, alors que sa maison, c'est une maison neuve qui a été construite il y a un peu moins de 20 ans, qui était de la laine de verre de 200, ils ont remis de la même laine de verre de 200. Donc un tissu de mensonge, facturé bien évidemment. Alors Romain, on va ouvrir une petite parenthèse, j'ai en ligne un monsieur qui s'appelle Mario Antunes, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes couvreur à Deuil-la-Barre. Tout à fait. Et on vous a envoyé le devis des 4000 euros pour lesquels les techniciens lui ont fait prendre un crédit. Est-ce que vous qui connaissez le métier, le devis est dans les prix, d'après les photos que vous avez reçues? D'après les photos, déjà la couverture elle est propre. Après effectivement, si on met un produit anti-mousse, je dirais les deux bidons de 30 litres, qui me paraît beaucoup d'ailleurs, il y en a pour 386 euros. Main d'œuvre, il y en a pour une journée de travail maximum à deux. C'est une punition qui vaut maximum 1316 euros. Voilà, 1300, vous nous dites à peu près, allez, moi, admettons qu'on monte même à 2000, ils lui ont fait payer 4000. Donc... Non, c'est exagéré, c'est pas, on est d'accord. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Dans le sens où, pour injecter ce produit, je dirais que c'est assez facile. Voilà, disons que même en prenant une journée de main-d'œuvre à deux qui fait 900 euros, ça me paraît déjà coûteux. Merci. Bon. Merci Mario. Si j'ai besoin de vous, si vous pouvez rester. Ah ouais, je vais peut-être vous appeler dans quelques instants. Donc, on va les appeler. Je vais très vite sur la fin. Résultat, devis de 6 000 euros qu'il baisse finalement à 4 500. Votre grand-mère continuera de refuser. Il lui a proposé un échéancier donc aujourd'hui. Ce qu'il souhaite, c'est que cette société annule le contrat des 4 000 et ne revienne plus chez votre grand-mère. C'est ce que vous voulez, Romain, qui a déjà aujourd'hui, au moment où nous parlons, elle a donné combien à ces gens-là depuis toutes ces années? Ah, elle a dû donner à peu près 10 000 euros, sachant que son prêt devrait s'arrêter, des premiers travaux devraient s'arrêter fin 2017. Donc ça marche. On les appelle dans une seconde et on verra avec vous, Maître Novakovic, dans une seconde, si on peut parler d'abus de faiblesse dans ces cas-là. Ça sera sur RTL, ne manquez pas l'appel. Le Happy 55e anniversaire Auchan continue. Chérie, écoute, l'anniversaire Auchan continue. Et tiens, j'y pense, j'ai entendu une super offre sur du raisin. Oui, un prix spécial anniversaire. Chez Auchan, jusqu'à samedi, profitez du raisin blanc Italia de Sicile à 1,29€ le kilo. Seulement 1,29€ le kilo de raisin blanc Italia? Super! Et en plus, il est délicieux. Et profitez-en aussi dans les magasins Adepa et Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Origine Italie, catégorie 1. Happy égale heureux. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main, là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Vous le savez peut-être pas, Mais avec la nouvelle offre Avantage Gaz d'EDF, le prix du kilowattheure hors taxe de gaz n'augmente pas pendant 4 ans. Il peut même baisser. Et c'est pas tout. Toute baisse du prix du kilowattheure est définitivement acquise sur la période de 4 ans. Avec l'offre Avantage Gaz d'EDF, c'est 4 ans de sérénité. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Petit message Peugeot en forme de QCM. Sachant que Pierre roule tous les jours avec sa Peugeot et qu'il freine aussi souvent que la prudence, les stops et les feux rouges l'exigent, quand devra-t-il penser à faire vérifier ses plaquettes de frein ? Réponse A, tout de suite. Réponse B, maintenant. Réponse C, immédiatement. Je vous laisse réfléchir. En ce moment, chez Peugeot, profitez de 30% de remise sur les disques et plaquettes de frein. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100 euros offerts en bons d'achat pour 500 euros d'achat en meubles, déco et électroménager. 100 euros offerts ! Et oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bons d'achat valables sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez, c'est parti, nous lançons l'appel vite, maître Novakovic. Pendant que ça sonne, on pourrait penser qu'il y a abus de faiblesse ou pas, ils reviennent une deuxième fois. Oui, Julien, il y a une visite à domicile. Ah, attendez, excusez-moi. Allô ? Oui. Oui, bonjour, vous êtes, je suis bien la, la société, excusez-moi, j'ai dû faire un mauvais numéro. Non, c'est bon, la société Action AEH. Voilà, oui. Action Environnement Habitat, Tigerie dans l'Essonne. Oui. Je me présente, monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur, je vous appelle car ce matin, il y a un monsieur qui nous appelle, qui s'appelle Romain Crémer, qui nous dit que vous êtes allé chez Christiane Levasseur, sa grand-mère, à deux reprises, qu'elle a déjà donné plus de 10 000 euros, notamment pour une toiture qui était nickel, où on aurait mis la même mousse qu'elle avait, etc. Et il est en ligne. Romain, vous pouvez expliquer à ce monsieur de quel cas il s'agit ? Oui, le monsieur doit très bien voir qui c'était, sachant que ma mère lui a adressé un courrier avec accusé de réception, déjà pour des travaux déjà injustifiés. On va dire par exemple les combles, il y aurait eu une amélioration à apporter, ça c'est pas le problème. De là à lui changer toute sa laine de verre sur les soupentes, sachant que moi je suis du métier, donc je sais exactement ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire, et c'est moi qui m'occupe de la maison de ma grand-mère. Donc il lui a changé toute sa laine de verre avec de la laine de roche, que moi-même je suis monté, contrôlé, et qui n'est pas posé dans les règles de l'art, parce qu'on ne pose pas comme ça, on est obligé d'agrafer une laine ou la faire tenir, parce que d'ici 2 ans ou 3 ans, elle va tomber. De là, on lui fait un devis pour que c'est... déjà, c'est pétière. C'est pétière, on lui facture à 270 euros. On va pas passer en revue tous les travaux. Monsieur, est-ce que vous voyez de quel cas il s'agit ? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous estimez, parce que cette dame a 80 ans, vous êtes venue une première fois, je crois qu'elle avait pris un crédit pour une histoire de porte, puis là, vous lui avez fait reprendre. Aujourd'hui, ce monsieur estime... Il n'y a pas eu de crédit pour une histoire de porte, il n'y a pas eu d'histoire de porte. Alors, il n'y a pas eu de porte ? Non, il n'y a pas eu la pose de porte, mais il a essayé de lui faire changer sa porte en lui donnant des prix. Et de là, ma grand-mère, elle a dit « Non, je n'ai pas les moyens de la changer ». Il a continué son travail en regardant la toiture, en lui disant « Madame, il faudrait passer ce produit parce que votre toiture n'est pas étanche et vous risquez de fortes infiltrations chez vous ». D'accord. Donc, le devis était de 6 000 euros et ma grand-mère, disant « je n'ai pas du tout les moyens », il a fait sa mascarade en partant à sa voiture en disant « Oui, nous pouvons faire un prix pour X et Y raisons ». Donc, comme on connaît Monsieur, juste 2 petites minutes. Nous avons eu votre femme, me semble-t-il, au téléphone. Mon commercial a eu votre femme au téléphone. On a eu une discussion. Votre belle-maman a rappelé le commercial. Et vous deviez vous voir, si je ne me trompe pas, début septembre. Non, vous avez eu ma mère et vous parlez de mon père. Non. Moi, je suis le petit-fils qui travaille dans le bâtiment et qui est remonté de la Haute-Vienne, venu voir exactement ce qu'il y avait. Et c'est moi qui a découvert la supercherie comme sur vos devis. Quand on marque un devis, je fais des devis, monsieur. Romain, quand on marque sur un devis pour des fournitures, on ne refournit pas encore une autre main-d'œuvre. Romain, il y en a une alerte sur un autre câble, on le prendra tout à l'heure. Vous avancez sans moi, Hervé. Romain, dites clairement à ce monsieur ce que vous souhaitez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, alors déjà, premièrement, le devis de ces 4000 euros sur ta toiture, de toute façon, il faut les abandonner. Il n'y a rien à faire sur ta toiture. Elle est nickel, comme le monsieur couvreur l'a très bien dit tout à l'heure. Alors, monsieur, il y a un problème de toiture. Apparemment, et on a vu des photos, la toiture est nickel. Est-ce qu'on peut abandonner cette histoire ? Mais monsieur, à l'origine, il y avait un rendez-vous qui devait être pris début septembre. Oui. Pour qu'on puisse discuter de tout ça. Ah avec, alors, prenons, avec, faisons donc, ce rendez-vous, pas avec bien sûr. Monsieur, mais avec la fille, le gendre et madame Levasseur. D'accord. Alors ce rendez-vous, vous avez une date, vous? Vous l'avez été? Non, non, non, on n'a pas de date. On devait prendre rendez-vous puisque c'était période de alors, congé. Fixons le rendez-vous maintenant, tout de suite. Alors vous pouvez quand, vous? Bah, quand est-ce que le monsieur peut, puisque... Alors, Romain, vous pouvez... C'est Romain qui s'en occupe, maintenant, du cas de sa grand-mère. Romain, vous pouvez quand, vous? Ah, moi, je peux dès aujourd'hui. Alors, il faut peut-être aller voir la toiture ensemble, parce qu'il est du bâtiment, lui. Il connaît parfaitement la toiture, donc, vous, voilà, vous allez pouvoir monter sur le toit, s'il le faut, les deux, et il va vous montrer exactement, puisqu'il s'y connaît. Quand est-ce que vous pouvez, vous, AEH? Bah, dès lundi. Lundi, Romain, vous pouvez lundi? Il n'y a pas de souci, tu me bon, dis... Bon, alors, lundi, à quelle heure? À quelle heure le monsieur sera disponible? À quelle heure vous pouvez, Romain? Moi, peu importe, je peux me libérer. Moi. Il peut se libérer à n'importe quel moment. Vous, vous pouvez à quelle heure? Disons 10h, 10h30. Ou 10h ou 10h30, c'est vous qui choisissez. 10h30. Allez, 10h30, donc, au domicile de la grand-mère. On est d'accord? Tout à fait. Bon, c'est vous qui allez venir en personne, monsieur? Je pense qu'il vaut mieux, oui. Ah, ben, bah, ça serait super. Mais non, mais... un peu trop longtemps. Eh ben, c'est génial. Donc, on fait ça, Romain, 10h30, et vous regardez tout ce qui a été fait, ce qu'il n'y a plus à faire, etc., comme ça, on peut faire, nous, le point ensemble. Le matin même, d'ailleurs. On essaiera de s'appeler avant 11h, OK? Il n'y a pas de souci. Maître Novakovic, une question générale. Je veux que nos deux intervenants restent sur place. Alors, on ne sait pas, alors on ne dit pas que c'est le cas, mais pour expliquer aux auditeurs, qu'est-ce que l'abus de faiblesse? Bah écoutez, l'abus de faiblesse, en tout cas dans le cas du déplacement chez une personne ou des contacts téléphoniques, surtout quand elle est âgée de 80 ans, il faut savoir que l'article L122.8 du Code de la consommation règle cette difficulté, vise l'abus de faiblesse et condamne toute personne qui se rendrait coupable d'un abus de faiblesse à 3 ans d'emprisonnement, 375 000 euros d'amende. Il y a aussi l'option civile, mais l'option pénale est la plus efficace quand il y a vraiment du démarchage bon. Abusif. Lundi, 10h30, on fait le point ensemble. Merci mais à tous les deux contre, et on se parle. Pourquoi discute-t-on d'abus de faiblesse? Non, je ne vous ai pas dit que c'est un abus de faiblesse, parce que nous, on est une émission où on fait du droit, de la consommation, et on explique aux gens comment ça se passe. On n'a pas dit que c'était le d'accord, cas. D'accord, mais là, par contre, ça porte à ambiguïté. Ah, mais non, ça porte pas à ambiguïté, monsieur. Alors, regardez, monsieur. Monsieur, alors, déjà, seul un juge peut déterminer s'il y en a ou pas. Là, aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a pas d'abus de faiblesse, nous ne disons rien. Aujourd'hui, nous disons simplement qu'il y a un monsieur qui dit on a placé des travaux à ma grand-mère qui n'étaient pas justifiés, et un autre monsieur qui dit bien je viens voir lundi si c'est vrai ou pas. Et puis après, on parlera. Est-ce que ça vous va comme version? Mais il n'y a pas d'abus de faiblesse. Lundi, on sera sur place. Eh ben, ça marche. Merci, monsieur. À lundi. Il y a eu une alerte, c'est l'artisan. Passez-le-moi, Hervé, passez-le-moi tout de suite, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez? Allô? Stéphane, vous m'entendez? Stéphane Billardon. Non, mais attendez, j'ai pas 36 personnes au téléphone. Non, mais il y en a qu'une, là. Il y a que moi. Vous allez voir, il y a que moi. Stéphane Billardon, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur. Je suis avec Laurence. Donc, il nous a dit, je lui ai donné 14 000 euros pour faire un garage. Je n'ai rien, j'ai des textos et ça n'avance pas. Oui. Alors, vous voulez avoir votre version des faits, tout simplement, monsieur, et pas vous embêter. Et surtout que ça se passe bien avec votre copine Laurence. Loloche, comme on l'appelle. Elle pour aller couler la dalle béton, sachant oui. que j'ai repris une société qui était un peu en difficulté et qui m'a mis un peu en difficulté aussi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai payé les pots cassés et aujourd'hui je suis en train de remonter la pente. Alors monsieur, tout ça je veux bien, mais elle vous a fait un chèque elle de 14 000 euros. Laurence, qu'attendez-vous de ce monsieur? Dites-lui clairement, parlons sans langue de bois, Laurence. Bah comme je lui ai dit, ou il fait les travaux assez rapidement parce que ça fait quand même un petit moment que ça dure, ou il me rembourse. Alors, quand est-ce que vous pouvez les faire, monsieur? Je suppose que vous ne pouvez pas la rembourser. Enfin, même si on déduit le peu que vous avez fait, ça ne vous intéresse pas? Non, je fais les travaux. D'accord. Les alors, vous les faites quand, monsieur? Et on va se faire un point, un vrai calendrier, et on fera des points. Quand est-ce que vous pouvez venir, monsieur? Ou alors, dites-lui carrément, je ne pourrai pas venir, j'ai plus de sous, j'ai plus de matériel, mais dites-lui la vérité. Les matériaux, je les ai à la maison, les matériaux. Bon, alors, quand est-ce que vous pouvez venir travailler, monsieur? Il n'y a que la dalle béton qui ferait couler début octobre pour être tranquille pour le 20 jours de séchage. Voilà. Oui. Donc, vous venez quand la couler, la dalle? Je viens de le dire à votre collègue, là. Début octobre. Alors, début octobre, on peut se dire qu'avant le 10 octobre, elle est coulée, la dalle? Ah ben, je vais essayer, oui. Ah, vous allez essayer? Pourquoi vous dites que vous allez essayer? Vous allez pouvoir ou pas? Ça dépend je suis pas de quoi soleil, je suis en... je suis déjà en travaux ailleurs. Donc, mais monsieur, vous êtes en travaux ailleurs, mais vous pouvez pas entendre ça. Elle a payé, elle. Le 22 janvier 2015. En 2015, elle a payé, monsieur Billardon, et vous êtes en train de lui dire, je peux pas venir parce que j'ai un autre chantier. Oui, je m'engage, je vais m'engager au bon. Niveau octobre. C'est tout. Alors, le 10 octobre, on s'appelle, monsieur Billardon, je vous appellerai et vous me dites, je suis venu couler la dalle et on n'en parle plus. Débarrassez-vous de ce problème, monsieur Billardon, parce que sinon ça va traîner. D'accord. Laurence, est-ce que ça vous va? Oui. Alors, 10 octobre, Laurence, on s'appelle et vous me dites que monsieur Billardon est venu pour faire ça ou pas. Mais en plus, ça va rassurer vos futurs clients, monsieur Billardon, parce que s'ils entendent sur l'antenne d'RTL que quand vous commencez un chantier il y a un an et demi, vous n'êtes toujours pas venu, ils ne vont pas vous en prendre beaucoup. Donc là, vous allez les rassurer, leur montrer que vous êtes bien organisé. Non? J'ai 4 ans d'avance de boulot, alors... Vous avez 4 ans d'avance de boulot. Bah, non. Mais prenez pas l'argent, monsieur, à ce moment-là. Maître Novakovic, bonjour. Dans ces conditions, on ne prend pas l'argent, on fait un devis, et on ne s'engage pas sur une date. D'accord? Et en plus, on ne prend pas l'argent. Vous avez pris 90% du prix du devis. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas la faire tourner en bourrique comme ça, monsieur, au bout d'un an et demi. Vous imaginez, vous, si vous alliez acheter une voiture et qu'au bout d'un an et demi, le vendeur vous disait, allez tout. Pardon? Je n'ai pas acheté de voiture. Mais je ne vous ai pas dit que vous en aviez acheté une, c'était un exemple, monsieur. Imaginez... Ah, vous n'achetez pas de voiture. Alors imaginez, vous achetez un vélo, vous faites du vélo un petit peu? Non. Non plus, vous faites quoi? Alors des chaussures, vous marchez, vous n'allez pas pieds nus sur les chantiers. Imaginez que vous alliez acheter des chaussures et qu'au bout d'un an et demi, on vous dit, les chaussures sont toujours pas là. Vous allez attendre comme ça, après les avoir payées. Quand vous payez, vous voulez la prestation au bout d'un an et demi, monsieur. On n'est pas là pour vous embêter, j'ai l'impression que vous êtes agacé. Mais mettez-vous à sa place, Laurence, vous êtes mis une seconde à sa place. Ok, donc le 10 octobre, nous verrons si monsieur Stéphane Billardon de la société Nivernaise de bâtiments à Châtillon-en-Bazois a fait la dalle, et si ce n'est pas le cas, on se permettra de le dire et d'avancer, puis elle ira peut-être en justice à ce moment-là et on préviendra les autres clients que malheureusement il faut attendre un an et demi. Et vous le récupérez, Hervé, je compte sur vous. Je le récupère. A tout de suite sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Connaissez-vous le tantrisme qui réunit sexualité et spiritualité? Tout un programme. On est fait pour s'entendre vous emmène au 7e ciel cet après-midi dès 15h sur RTL. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à condition. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. RTL présente Muriel Robin, Michel Larocque, Pierre Palmade. Ils s'aiment depuis 20 ans. Bonjour, je suis Michel Palmade. Je suis Pierre Robin. Je suis Muriel Larocque. Enfin, c'est pas dans le bon ordre, on s'en fout. En tout cas, on sera tous les trois à l'Olympia pour les 20 ans d'Ils s'aiment. Tous les trois, mais deux par deux. À partir du 6 septembre à l'Olympia et en tournée dans toute la France. Bah oui. Bah oui, je sais pas si les gens ont compris. Bah si, c'est clair. Avec RTL et France 2. Micheline, votre réponse pour le jackpot. La mer Noire. Et c'est gagné. Alert discount, je dois filer. Aujourd'hui, le filet de canard aromatisé aux herbes ou tomates et poivrons est à 8,89€ le kilo chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 350 grammes environ, transformés en France à partir de viande de volaille française. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Hervé Pouchol continue de parler avec l'artisan M. Billardon, qui a pris les 16 000 euros et qui n'a pas fait le garage, qui a 4 ans de chantier d'avance, mais qui, au bout d'un an et demi, n'a toujours pas fait celui-ci. Il appelle à compte Hervé, mais il faut qu'il comprenne que si lui, il n'est pas content, alors qu'est-ce que doit dire Laurence? Ouais, je lui ai rappelé ce que lui a dit Maître Felonneau et Maître Novakovic. Il a encaissé l'argent. Plutôt que de prendre d'autres chantiers, il doit commencer par servir Laurence. Ce monsieur nous a dit, je viens couler la dalle avant le 10 octobre. Oui. On vérifiera ça, mais juridiquement, si ce n'est pas fait, que devra faire Laurence? Ah bah écoutez, il y a deux solutions. Alors déjà, dans un premier temps, une lettre recommandée pour acter le fait qu'il aura terminé le 10 octobre, c'est son engagement, premièrement. Et deuxièmement, s'il ne tient pas ses engagements, elle devra alors saisir... Il y a deux possibilités, Julien. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours tendance à dire pourquoi ne pas aller au niveau du pénal, abus de confiance, parce que c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Mais bon, on peut aussi opter pour une option civile qui est celle de saisir soit le tribunal de commerce, parce que c'est une action, elle a le choix entre le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance, sachant que la somme quand même versée dépasse effectivement les 10 000 euros. On est à 14 572 euros. Nous allons voir ça le 10 octobre. Et en ce qui concerne lundi matin, n'oubliez pas qu'il y a l'artisan qui vient voir la toiture. Là aussi, on va vérifier ça. Vous êtes victime d'une injustice ou d'une erreur administrative. Tout de suite, 3210, tout de suite, Facebook, la page, ça peut vous arriver. Un plombier, un garagiste, vous avez été pris pour un pigeon. Votre voyage s'est transformé en cauchemar. Photo, c'est édifiant. On vous doit de l'argent, vous n'êtes remboursé que par de la mauvaise foi. 3210 ou bien RTL.fr. Il est 45, dans le quart d'heure qui arrive, c'est maintenant que tout va se jouer un petit peu sur les dossiers, qu'on va récapituler, que de nouveaux cas vont arriver. On est dans le Money Time. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. Et vous le savez, quand ce n'est pas réglé le jour même, c'est réglé dès le lundi. Puisque lundi, nous serons là en direct à 9h30. Il est 10h44, vous êtes sur RTL. Ça bouge sur RTL. Kungs, this girl, point info, 10h47, et peut-être qu'une fiche va arriver, d'un auditeur qui a appelé comme ça pendant le direct et qui a voulu passer sur l'antenne en cas express. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Vous avez loupé le début, je vous raconte tout. Olivier nous a appelé tout à l'heure, voilà ce qu'il nous a dit. Une compagnie d'avion annule le vol retour et elle nous prévient par texto la veille. Depuis, elle trouve toutes les excuses du monde pour ne pas rembourser le vol de l'autre compagnie et cela dure depuis juin. Après 30 minutes d'attente chez EasyJet, nous avons eu un superviseur, Bernard Sabat. Oui Julien, j'ai eu un superviseur qui nous a dit qu'on aurait un remboursement sous 6 semaines, mais entre temps j'ai eu une responsable de la communication d'EasyJet qui n'a pas le droit de parler mais qui vous écoute et qui s'appelle Karine et qui m'a confirmé la chose suivante. 1. Elle va raccourcir les délais de paiement et en plus ils vont faire un geste commercial. C'est super, c'est une bonne nouvelle, c'est un cas qui normalement est réglé. Laurence avait un ami artisan, voilà ce qu'elle nous a dit. Cela fait plus d'un an qu'un ami artisan à qui j'ai déjà versé plus de 14 000 euros pour la construction d'un garage me prend pour une imbécile. C'est le roi de l'excuse en tout genre, le champion du monde du contretemps. Hervé a réussi à l'avoir, ça ne répondait pas. Il a eu Monsieur Billardon. Où en est-on, Hervé, s'il vous plaît? Stéphane Billardon s'est engagé à faire son maximum pour couler la dalle du garage de Laurence au plus tard le 10 octobre. Ensuite, il y aura 21 jours de séchage, on le rappelle, vers le 10 octobre. Ça veut dire que le 11 octobre au matin, Sarah nous dit si la dalle a été coulée ou pas. Sinon, on le rappellera comme vous venez de le dire. Nous avons Romain. Romain excédé pour sa grand-mère. Je voudrais pousser un coup de gueule. On est en plein abus de faiblesse caractérisé. Une entreprise a déjà soutiré 14 000 euros à ma grand-mère, il y a 2 ans, pour des travaux injustifiés. Voilà qu'elle veut maintenant lui reprendre 4 000 euros sous la forme d'un crédit. Oh, ça va s'arrêter quand ? Nous avons eu l'entreprise. L'entreprise a été réglo, a dit, puisque c'est ça, allons-nous voir sur le chantier pour voir s'il y a eu des travaux, etc. Et ils se sont engagés à venir lundi 10h30. Nous verrons si lundi 10h30, ils sont sur place avec Romain et avec l'entreprise. Il me tarde d'avoir déjà cette discussion lundi matin. Des cas express, il y en a à n'importe quel moment. Vous pouvez débarquer sur l'antenne. Vous allez voir ça dans une seconde sur RTL dans le 9h30-11h. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai ! Oh yes, yes, yes ! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. D8 devient C8. Chaque samedi, retrouvez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Suivez l'actu sportive en direct dans Touche pas à mon sport avec Estelle Denis. Et le dimanche, découvrez le nouveau rendez-vous politique de Laurence Ferrari en direct, Punchline. Alors rendez-vous sur C8. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis paumé là. T'es paumé là. C'est quoi encore ce Méli-Mélo ? T'es chez Lidl ? Oui, et pour nous c'est pas un mélo, hein. C'est un drame patron. Aujourd'hui et demain, ils nous ont mis le paumelot à 69 centimes la pièce. Le paumelot à 69 centimes pièce chez Lidl ? Bon, bon, bon, c'est pas gagné. Ah, c'est paumé là, oui. Et c'est le vrai prix, hein. 69 centimes. Bah ça suffit, t'y vas mollo sur le paumelot, ok ? Ok patron, on est mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine Afrique du Sud. Vous avez un problème ? Vous avez besoin de RTL ? C'est le cas express. Faites le 3210 et on vous aide en direct. Bonjour Bernadette. Oui, bonjour Julien. À quelle heure avez-vous appelé RTL, Bernadette ? 9h30 ce matin. À 9h30 ce matin. Bernadette, vous savez quoi ? On appelle directement, tout de suite, comme c'est le cas express, la banque, et puis on racontera aux banquiers et aux auditeurs la même histoire. Hein. C'est un retrait de 800 euros, j'attends que ça sonne. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô, le Crédit Agricole ? Allô ? Bon, là, il y a un petit problème chez nous, alors on y va, c'est reparti. C'est l'éditeur de l'athlète, bonjour, en quoi puis-je vous aider ? Eh bien, je vais vous expliquer, monsieur. Bonjour, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL et j'ai Bernadette, qui est une auditrice, qui est en ligne et qui me dit, qu'elle vous le dit aussi parce qu'elle va vous dire bonjour. Bernadette, dites bonjour à monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est un beau bonjour. Vous avez effectué, votre mari a effectué, Bernadette, un retrait de 800 euros dans un DAB du Crédit Agricole le 26 juin 2016. Il a reçu ni ticket ni espèce. Il a pu retirer les 800 euros demandés à la BNP à côté 5 minutes plus tard. Et il a été débité de 800 euros par le Crédit Agricole qui affirme que vous avez reçu l'argent. Et sa banque lui a recrédité 800 euros le 25 juillet 2016, mais le Crédit Agricole lui a retiré la somme le lendemain. Donc aujourd'hui, que souhaitez-vous, Bernadette ? Dites à ce monsieur qui vous écoute du Crédit Agricole. Alors, ce que je demande, c'est le remboursement donc des 800 euros et les 4,41 euros qu'ils nous ont retirés pour des frais qu'ils nous demandent. Alors, son retrait autorisé par semaine est de 800 euros, donc il est impossible pour elle de retirer 1800. On est bien d'accord, Bernadette ? C'est cela. Voilà. Donc, monsieur, comment peut-on avancer ? Les gens ne veulent pas parler ce matin. Vous avez remarqué ? Nous avons tout à l'heure chez EasyJet, il y avait des gros blancs. Le Crédit Agricole non plus. Allô ? Allô ? Oui, je vous écoute, monsieur. Vous pouvez mettre un haut-parleur si vous voulez que d'autres gens écoutent, ça ne me dérange pas, mais je ne vous entends pas. Vous pouvez juste réexpliquer parce qu'on n'a pas compris. Qui veut le réexpliquer? Maître Fellono, elle va vous expliquer. Allez-y, Maître Fellono. Bon, écoutez, visiblement, cette dame est allée dans votre guichet pour retirer de l'argent qu'elle n'a pas reçu. Donc, elle n'a pas pu prendre les billets. Alors, elle est allée à une banque concurrente qui est juste en face. Là, elle a eu ses 800 euros. Mais vous lui avez débité quand même 804,41 euros. De façon indue, et donc c'est ce qu'elle réclame. Elle dit, attendez, moi j'ai pas eu cet argent là je ne pouvais pas le retirer deux fois 800 euros, puisque sinon je serais une menteuse. Donc mon contrat, ma carte fait que ce que je dis est vrai, et donc vous m'avez vous débité avec des frais, et c'est inacceptable. Elle demande le remboursement. Voilà. Alors, comment peut-on avancer? Alors après, il faut vérifier, hein, madame, attention, on ne dit pas que tout ceci est coulé dans le monde, mais dans la mesure où elle n'a le droit qu'à 800, c'est quand même un élément de preuve, puisqu'elle aurait retiré 1600 en quelques minutes, d'après vous, alors qu'elle n'a le droit qu'à 800 sur son contrat, ce qui prouve bien qu'il y a eu un petit souci, enfin, qui pourrait prouver en tout cas. Parce qu'elle voulait retirer à l'accueil 800 euros, c'est non, ça? Non, non, non, non, non, non, non, non. Au DAB. Je reprends. Mais on n'a pas le droit de retirer 800 euros dans un distributeur. On a des plafonds sur une carte. C'est pour ça qu'elle ne comprend pas pourquoi vous lui avez débité. Ah, donc ça, c'est encore... D'accord. Voilà. Mais alors, on n'a pas pu lui débiter 800 euros, sachant qu'on peut pas, retirer 800 euros sur un distributeur. Ah, oh bah bien sûr que si. Faut qu'on vérifie. Faut qu'elle vienne nous voir, et faut qu'elle se présente et qu'on regarde tout ça. Alors, Bernadette, vous avez vu qui, vous avez écrit à qui? Alors, j'ai eu hier encore le directeur de l'agence, oui. Monsieur Vandevoix. Vandevoix. Qui est très bien au courant avec Madame Narbou, une attachée commerciale, oui. De l'agence du Crédit Agricole, et qui met depuis bientôt deux mois, me mène en bateau, excusez-moi l'expression. Il me demande des documents en me disant que je dois me justifier alors qu'ils ont tous les éléments précis. Et maintenant, moi, ce que j'ai demandé et qu'il refuse chaque fois, c'est de voir cette caméra. Oui. Ah, et oui, la ça, caméra. C'est très intéressant. On lui refuse cette preuve pour nous voir, effectivement, qu'elle n'a pris aucun billet. On ne m'a jamais répondu. Parce que j'ai dit, je n'ai pas reçu l'argent. Où est-il? D'accord. On certifie qu'il a été donné dans l'esprit d'État. Alain Hazard, vous vouliez dire? Oui, on pourrait croire effectivement qu'elle aurait pu tout de suite aller dans le guichet, sauf que ça s'est passé un dimanche matin. Et donc, évidemment, l'agence était fermée. Bien sûr. Et elle s'est rendue sur place que le mardi matin. Bon, alors, madame, est-ce que vous pouvez essayer de voir, est-ce que le patron reçoive sa cliente, lui montre la caméra, prouve qu'elle dit bien la vérité, ou est-ce qu'il faut appeler la grande direction? On pourra faire le nécessaire au niveau de la caméra, on demandera, on a un service qui pourra regarder, oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Elle va voir qui? Puisque le patron, il a fait tourner en bourrique d'après ce qu'elle dit. Moi, je m'engage avec mon directeur à regarder. D'accord, ok, on va faire ça, et nous on va quand même, en parallèle, avoir le grand siège pour qu'il donne les consignes pour qu'on avance, parce que si Bernadette ment, et tant pis pour elle, elle va passer pour une arnaqueuse sur l'antenne d'RTL, elle prendra le risque, mais si elle ne ment pas, je trouve un peu léger qu'on lui dise, madame, c'est pas possible, elle dit, ben montrez la caméra, on va bien voir si je suis venu, on va bien voir ce qui s'est passé, ah non, on montre pas la caméra, ah non, ça c'est pas bien non plus. Donc Bernadette, lundi sur l'antenne d'RTL, avec Sarah qui va s'en occuper dès cet après-midi, on va voir du nouveau. Quant au directeur de la banque, vous me dites, il me répond pas, alors j'en sais rien, moi j'étais pas là, hein. Le cas, on n'a pas eu le temps de on l'a pas enquêté, c'est un cas express, il s'appelle comment, on va lui lancer un appel très gentil à ce monsieur qui est certainement charmant et qui fait partie des directeurs de banque de la communication du Crédit Agricole qui reçoivent sur la place du village, hein. J'adore cette pub où la directrice reçoit sur le banc, là ils sont tous assis, parce qu'ils prennent l'air, attends, ils sont trop mignons. Pourquoi s'enfermer dans une banque quand il fait beau? Donc elle dit, bon, le rendez-vous aura lieu sur la place, ils sont là, il est assis, il dit, bah oui, je m'occupe de vous. Pour le secret bancaire, c'est super. Ben voilà, c'est super. Voilà, des fois, ils peuvent le faire en boîte de nuit, dans le bus. Ouais, ils se déplacent partout. Mais là, vous, c'est nulle part, visiblement, Bernadette. En fait, j'étais de passage à la Clayette, donc en Saône-et-Loire. Oui. Et le dimanche matin, donc nous avons tenté d'effectuer ce retrait. Non, mais Bernadette, ne me racontez pas l'histoire. J'ai compris l'histoire. Je croyais que... Non, il s'appelle comment, le monsieur? Vandevoix. Vandevoix, voilà, monsieur Vandevoix. Soyez sympa, on va vous appeler cet après-midi, on va essayer d'avancer. Et encore une fois, peut-être qu'elle ment, et dans ces cas-là, on le dira lundi matin. Donc lundi matin. On va regarder les. De toute façon, elle a dit on est fermé, il faudra rappeler le mardi. D'accord, ah oui, voilà, il y en a un. C'est mardi. Eh oui, mardi, c'est vrai. Ok, ça marche. Donc mardi matin sur l'antenne d'RTL. Mais on va voir le siège cet après-midi, on va voir le grand patron. Ça serait que semaine prochaine, Bernadette, c'est un dossier très, très, très intéressant qui concerne tout le monde. Merci à tous. RTL. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100 euros offerts en bons d'achat pour 500 euros d'achat en meubles, déco et électroménager. 100 euros offerts. Eh oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 Cactus avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 135 euros par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 1 800 euros. Offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. Le mois Carrefour. Oh là là, il y a encore un nouveau deal du jour renversant pendant le mois Carrefour. Ouais, aujourd'hui l'ordinateur portable 11,6 pouces Thomson et son disque dur externe de 500 gigas sont à 199 euros au lieu de 299. Attention au décollage. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui en magasin et sur carrefour.fr, l'ordinateur portable 11,6 pouces Thomson et son disque dur externe de 500 gigas sont à 199 euros au lieu de 299. Référence THB K212, garantie 2 ans. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Une petite urgence sur notre chantier de solidarité, cette maman qu'on reloge. Vous savez, on est en train de reconstruire la maison, c'est fantastique l'élan de solidarité, mais on a une petite galère, on a besoin de quelqu'un qui aille chercher des fenêtres à Feur, c'est en... Dans la Loire. Dans la Loire, là. Allez sur Facebook, Sarah vous explique tout ça et vous met un petit texte. Bravo Maître Novakovic. Au revoir Julien, au revoir à tous. Spécialiste du pénal du divorce, c'était avec nous Maître Fellono. Au revoir Julien. Il y avait Hervé Pouchol et Bernard Sabat qui étaient là également. Au revoir Julien. Bravo à toutes les équipes. Vous êtes sur RTL, bon week-end, on sera là en direct lundi matin, il est 11h. L'information sur RTL, c'est avec vous de nouveau Marie Guerrière, rebonjour. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Les primaires à droite, dépôt des candidatures aujourd'hui. Et c'est une information RTL du service politique. Hervé Mariton est le candidat surprise. Le député Les Républicains de la Drôme a obtenu ses parrainages, selon son entourage. Un train régional a percuté une voiture ce matin sur un passage à niveau à Saint-Nazaire. Le conducteur de cette voiture, un homme de 81 ans, est mort. Il n'y a pas de blessés parmi les 120 voyageurs du TER qui reliait Nantes à Saint-Nazaire. L'accident s'est produit à 8h40 et les circonstances ne sont pas encore tout à fait établies. Le trafic SNCF est complètement interrompu dans ce secteur. Le nombre de morts sur les routes de France a baissé de 9% en août. 30 victimes de moins par rapport au mois d'août de l'année dernière. C'est le troisième mois consécutif de baisse cette année. Dans l'actualité, il y a aussi bien sûr ce matin ces trois femmes radicalisées qui projetaient d'attaquer une gare et qui ont été arrêtées dans l'Essonne. La principale suspecte avait prêté allégeance à l'État islamique. Elle l'a écrit dans une lettre. Au moment de son interpellation, hier soir, elle a poignardé un policier et en riposte, elle a été blessée par balle. Cette jeune femme de 19 ans est la fille du propriétaire de la voiture retrouvée pleine de bonbonnes de gaz le week-end dernier à Paris. Elle avait emprunté le véhicule à ses parents. Les deux autres femmes interpellées sont âgées de 39 et 23 ans. Les enquêteurs cherchent à savoir si toutes trois ont bénéficié de complicité et si leur projet a été inspiré ou téléguidé par un contact à l'étranger, en Syrie par exemple. Et voici la baisse d'impôts promise. 5 millions de foyers de la classe moyenne bénéficieront l'an prochain de 20% de réduction de l'impôt sur le revenu. Les retraités bénéficieront, eux, d'un crédit d'impôt pour les services à la personne et l'emploi à domicile, quel que soit leur revenu. Et puis les entreprises, elles auront droit, elles, à une baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Amazon, le géant américain de la vente en ligne, va recruter 450 personnes en CDI dans les centres de distribution d'ici à la fin de l'année, dans le Loiret, le Nord, la Drôme et la Saône-et-Loire. Cela porte à 1000 le nombre de postes créés par Amazon cette année en France. Promouvoir le Made in France, des assises se tiennent aujourd'hui et demain à Reims sur le produire en France et plusieurs candidats à la présidentielle ont prévu d'y passer. Le sujet sera bien présent dans la campagne. RTL vous pose la question aujourd'hui. Privilégiez-vous les produits français? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et vous pourrez bien sûr en discuter avec Christelle Robière et Vincent Parisot dans RTL Midi en appelant tout à l'heure le 3210. Les États-Unis et la Russie veulent saisir l'ONU après l'essai nucléaire nord-coréen de cette nuit. La Corée du Nord se vante d'avoir réussi l'essai d'une tête nucléaire miniaturisée pouvant être montée sur un missile balistique. En Espagne, un train a déraillé ce matin. Ça s'est passé en Galice, près de de la ville de Vigo et il y a au moins 2 morts. La météo du jour sur la France, des nuages de la Bretagne au Cotentin, peut-être des orages en allant vers les Pyrénées, mais partout ailleurs, du soleil et encore des températures au-dessus des normales de saison. On attend 23 degrés à Biarritz et à Cherbourg cet après-midi, 25 à Nantes comme à Tarbes, 26 à Lille, à Paris, à Metz, 27 à Mulhouse comme à Dijon, 28 à Clermont, 30 degrés à Montauban, 32 à Montélimar et jusqu'à 33 à Nîmes. Les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet en Nocturne à Vincennes, il vous conseille de jouer le 3, le 4, le 5, le 16, le 8, le 14, le 13 et le 9. La dernière minute de Bernard, c'est le 16, Vikishima. Et Bernard qui vous a indiqué le quartet d'hier à Chantilly dans le désordre. Il est 11h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL bien sûr. Et c'est à la bonne heure avec Stéphane Bern. Merci beaucoup Marie Guerrier, on vous retrouve naturellement à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Et nous sommes dans À la bonne heure. 11h, 12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Eh bien oui, nous sommes là dans À la bonne heure, en ce vendredi, avec notre invité Jean-Michel Cohen. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Cohen. On va parler de votre livre, je vais vous présenter de façon un peu plus circonstanciée, mais d'abord je vous présente mes petits camarades. Il y a ceux qui mangent les animaux, il y a ceux qui les aiment. C'est le cas de Marc Giraud, qui comme tous les vendredis viendra nous dire... Eh bien, ce que vous pourrez voir ce week-end en observant la nature. Et aujourd'hui, on va parler de la migration des hirondelles. Absolument, il y aura des petits oiseaux. Oui, ah, oui, c'est en ce moment. Ce sera moins sale que la semaine dernière avec le brame. Oui, pas ça vous a tellement excité que j'ai préféré faire un sujet très très calme aujourd'hui. Elles s'en vont, les hirondelles, c'est ça? C'est parti là, oui. Elles sont en train. Il y en a encore. On peut les regarder partir. Oui, c'est le moment. Ce n'est qu'un au revoir. Voilà. Elles reviendront.